La musique indépendante, ou indé, pour les branchés, a beaucoup d'avantages. Qu'il s'agisse de faire du pseudo-floude ou du groupe de filles, les halogènes sont là, bien sûr.